quando pure sagacité, coupé décalé, bon senti sagacité, on va décalé, en est mola rumari sagacité, coupé décalé, ramzi wera sor sagacité, on va décalé, solo béton et sagacité, coupé décalé, on va couper ce soir et sagacité. Diallo.